efficace. Tu triches, j'en suis accro, faut que ce soin était bien en place. De façon efficace, faut qu'on efface tout ce qui dépasse, tout ce qui se déplace. Sors dérangé, va tout ce qui se passe, je suis dérangé. Va tout ce qui se passe, je suis dérangé. C'est du propre qu'il nous faut. Faut pas que ça déborde trop. Trop de saleté, trop de défauts, faudrait baisser, ça sonne faux. C'est du propre qu'il nous faut. Chez moi.